un autre homme, un autre style. Bonne la mort. Je suis un guignol. Il y a quelque autre chose que je pourrais vous dire, sauf le respect que je dois à ma sœur. On aurait très bien pu la mettre comme elle était, cette robe. Non plus au vert, vous êtes chic.